Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la dernière comédie d'Alexandre Arcadie. Mais que s'est-il passé dans la tête de Delphine pour qu'un soir elle ose affirmer devant ses collègues qu'elle a une liaison torride avec son patron, un bel homme marié, père de famille, avec maîtresse flamboyante et qui n'a jamais entendu parler d'elle? En 24 heures, la rumeur fait le tour de la boîte. Et toi alors? Toujours seule, hein? Moi, seule? Ah, mais pas du tout. J'ai jamais été aussi occupée. T'as une histoire alors? Parfaitement. Un truc de dingue. Et c'est qui? Vous voulez garder un secret? C'est notre patron. Je compte sur votre discrétion, vous dites rien. Oh, attends, bien sûr, hein, t'inquiète. Et tu le connais bien? Mais non! J'ai dû lui serrer la main une fois! Je sais pas ce qui m'a pris de raconter ça, mais moi je suis anéantie par ma propre connerie. Bonjour Delphine! Bonjour mademoiselle Bénin, vous allez bien? Bonjour Delphine! Bonjour Delphine! Je suis directrice des relations humaines ici. Alors la vie privée des employés, ça me regarde. Et alors? Vous êtes une mythomane! Si tu veux garder ton job, il faut que t'atterrisses dans son cul. Je ne coucherai pas avec lui. Il est marié, il a 3 enfants. Phase 1, il faut que t'en saches un maximum sur lui. On va mettre des affaires comme Columbo et des lunettes noires comme dans les films. La vache! T'as vu cette bombe? Eh ben, tu pars d'un père tranquille. Demain, je suis pas dans son lit, toute la boîte va me tomber dessus, c'est la catastrophe. Le mieux, ce serait qu'il tombe vraiment amoureux de toi. Tu peux garder un secret? Une distribution super sympa, Pierre Arditi, Juliette Arnault, Laurence Boccolini, pour ce DVD TF1 Vidéo.